Fantastica. Bienvenue à vous tous à cette version abrégée de l'émission intitulée Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et il me fait grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter une des multiples chroniques réalisées dans le cadre de notre émission radio qui existe depuis 2003. Fantastica est une émission radio diffusée sur le web dans laquelle je m'entretiens pendant plus de 3 heures avec de nombreuses personnes qui nous parlent de diverses passions qui occupent notre quotidien de tous les jours. Au cours des années, nous avons amassé plusieurs centaines d'entrevues que nous vous présentons ici de façon individuelle avec des sujets qui passeront du cinéma à la musique, du jeu vidéo au comique et la bande dessinée, sans oublier des univers tels que l'astronomie, la mythologie, l'archéologie, la littérature, le paranormal et bien d'autres sujets. De plus, je vous présenterai également de multiples entrevues que j'ai réalisées avec diverses célébrités de différents milieux. Aujourd'hui, Andréane Jutras va nous parler de ce que l'on appelle la parapsychologie. La parapsychologie est une étude de phénomènes paranormaux qui sont généralement classés en 2 catégories, soit les perceptions extrasensorielles et la psychokinésie. Pour cette chronique paranormale, Andréane va nous parler de parapsychologie encore les télépathes, ceux qui ont un sixième sens, ceux qui lisent dans la pensée ou qui sont capables de deviner des choses. Oui. On s'entend, là, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois avec une de mes bonnes amies où est-ce que tu dis, hey, je vais l'appeler, je décroche le téléphone pour l'appeler, elle est déjà au bout du fil. Elle fait comme, hey, allô, hein, y a quelqu'un, voyons, c'est quoi ça? T'as aucun lien, pas pourquoi. Je fais ça avec mon père biologique. À un moment donné, je disais à ma blonde, il faudrait que j'appelle mon père. Puis dans la journée même ou le lendemain, le téléphone sonne, puis c'est lui qui m'appelle. Ah, c'est souvent comme ça. Puis moi, ça m'est arrivé souvent, particulièrement avec une de mes amies. Tu décroches, elle est déjà au bout du fil. Ça veut dire qu'à la même la seconde où est-ce qu'elle fait téléphoner, toi, tu décroches parce que ça n'a pas sonné. Donc, je dirais que tous ces éléments-là font que tu dis coudonc. Y a-tu quelque chose qui existe qui fait qu'on puisse être connecté? Donc, ça, c'est, je dirais, quand j'étais jeune... Sommes-nous des télépathes? Ben, quand j'étais jeune, j'ai toujours trippé sur ça. Juste du fait que, quand t'es très proche de quelqu'un, t'as l'impression d'être connecté, tu te parles pas, puis tu sais ce qu'elle veut dire, juste avec un coup d'œil. C'est la même chose, tu te décroches le téléphone, puis... Quand j'étais jeune, il y avait une mini-série qui s'appelait Alana ou le futur imparfait, ou Ariana, ou il me semble que c'est Alana ou le futur imparfait. Ouais. C'était une fille, écoute, faire une histoire simple, c'était une fille du futur qui venait dans le passé, puis elle avait une espèce de petit bandeau qu'elle pouvait se mettre en avant, puis là, avec ça, ça l'augmentait sa capacité psy, puis était capable de déplacer les objets à distance. Ça m'a tout le temps fait triper. Je me rappelle quand on était au primaire, on se mettait des bandeaux, puis on essayait, c'est complètement ridicule, mais... On y croyait tellement que ça pouvait exister. Mais les années 70 et 80, je dirais plus les années 70, c'était très fort là-dessus. La fin des années 70, là, tu sais, t'écoutais La femme bionique, L'homme de 6 millions ou n'importe quelle série, là, même ça pouvait être des séries très sérieuses policières. Puis à un moment donné, on faisait affaire avec un clairvoyant. Tout puis, à fait. Puis à un moment donné, les gens se sont dit, est-ce que ça existe vraiment ou pas? Là, il y en a qui... ils ont appelé ça le psy. Le psy, c'est comme cette espèce de pouvoir-là qui nous donne une espèce de perception extrasensorielle de plus. C'est ça qu'on appelle le troisième œil? Oui, ça pourrait être relié à ça, mais pas tout à fait. Okay. Dans le fond, le troisième œil, ça serait vraiment du côté perception extrasensorielle. Ça fait partie du psy, mais c'est pas juste ça. Okay. Parce que, en gros, la parapsychologie, bon, est là pour prouver l'existence du psy. Et le psy, c'est dans 2 différents phénomènes. Donc, je parlais des perceptions extrasensorielles, ça en est un. Ça, c'est vraiment ce qui est clairvoyance, précognition, télépathie. Qu'est-ce que la précognition? T'as des visions du futur. OK. Ou en tout cas, tu vois le futur d'une certaine... Pas dans les cartes, là, vraiment. T'as des visions du futur. En rêve ou en... Oui, ça peut être en rêve, ça peut être... Tu marches à un endroit, puis paf, t'as une vision du futur. Okay. Ou du passé. La clairvoyance, ça peut être du passé. Mm-hmm. Tu touches à un objet, puis tu vois ce que la personne a vu dans le passé. Parce que supposément, les policiers se servent des fois dans des enquêtes de disparition. Oui, et d'ailleurs, les parapsychologues, à la base, ont utilisé... Ben, pas les parapsychologues, mais je veux dire, dans la vie de tous les jours, la parapsychologie a amené certaines personnes à essayer d'utiliser ça, les psys. Donc, les choses policières, oui. Disparitions d'enfants, oui, beaucoup. Les enquêtes policières. Et étrangement, ça l'a aidé certaines enquêtes. Est-ce que c'est juste quelqu'un qui a des intuitions plus fortes ou si c'est vraiment quelqu'un qui a cette capacité psy-là? C'est dur à dire. Et la deuxième phénomène, c'est la psychokinèse, qui est un peu comme la télékinésie, en fait. Là. Pouvoir jouer avec la matière. Soit déplacer des objets. C'est ce qu'on voit le plus souvent, mais il y en a qui peuvent déformer les objets. Tu sais, dans la matrice, là, le oui. fameux petit gars qui brise la cuillère, oui, oui, là, oui. puis qui revient là, à la même place. En fait, la matrice, là, c'est l'exemple parfait de tout ce qui est parapsychologie, oui. là, complètement. Là. Donc, ça, c'est vraiment les deux phénomènes qui prouveraient l'existence du psy. Avec les années, bon, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui ont fait que les gens ont critiqué la validité de l'existence de ce psy-là. Tout d'abord, il y a eu des fraudes énormes à l'intérieur des études. Exemple, une fraude qui a été un petit peu plus connue au niveau de la parapsychologie, c'est deux sœurs jumelles, là. Tu sais, ce qu'on sait, le fameux test, là, où est-ce qu'on tourne une carte, c'est une croix, puis il faut que l'autre mm-hmm. personne qui est dans l'autre pièce dise oui, ben, croix. Oui, Peter Venkman était très bon là-dedans, dans Ghostbusters, si tu te rappelles, avec cette charmante oui. belle blonde et ce pauvre monsieur qui était victime des électrochocs de Peter Venkman. Oui, mais ça c'est le typique étude de la télépathie. Oui. Donc, ces deux sœurs jumelles-là étaient excessivement bonnes, et les gens commençait beaucoup à croire à l'existence du psy à cause de ces deux ouais. dames-là. Mais ils ont découvert que, en fait, il y avait un code, et probablement que les deux femmes pouvaient se voir ou y cognaient, mm-hmm. ou exactement l'histoire en détail, je ne le sais pas, mais ils ont découvert qu'il y avait un code et que c'est à partir de ce code-là qu'ils étaient capables de trouver les mêmes signes. Donc, les fraudes comme ça, c'est assez... Puis c'est un petit peu la même chose. Hein. Toute la section paranormale qui oui. existe. Tu sais, on me parle des maisons hantées. Puis on me dit toujours, ouais, les maisons hantées, ça existe. OK, sors-moi une seule enquête officielle qui dise, oui, c'est une maison hantée. Il n'en existe pas. Bien, il y en a. Mais ça, mais j'en parle plus tard, c'est la même okay. chose. Ils appellent ça le biais effet de tiroir. C'est-à-dire que quand il y a une publication... C'est pour dire que ça existe. C'est pour dire, tu sais, quand il y a des publications officielles, ouais. c'est qu'ils disent, bon, mais nous, on a fait une étude, on a tels éléments qui prouvent. Mais un chercheur qui fait une étude, puis que pour lui, ça existe, mais que le résultat de son étude est négatif, il ne publiera pas. Ouais. Il appelle ça l'effet tiroir. Donc, où est-ce que seulement que les résultats positifs vont être publiés? Parce que les gens qui font les études veulent croire en leur sujet. Oui, ça, c'est sûr, mais... Officiellement, il y a vraiment un cas où est-ce qu'on dit cette maison-là est officiellement hantée. Il n'y a pas eu de problème électromagnétique ou de problème de ci ou de problème de ça qui sont des problèmes physiques ou mm-hmm. chimiques qu'on ne connaissait pas au moment où l'enquête était faite qui peuvent être expliquées aujourd'hui. Il y a des choses qui ne peuvent pas être expliquées. Mais c'est un peu la même chose avec la parapsychologie, juste pour faire le lien. C'est pas parce que quelque chose n'est pas expliqué que c'est pas une erreur statistique ou qu'il n'y a pas quelque chose qu'on connaît aujourd'hui mm-hmm. qui peuvent expliquer ça. C'est la même chose avec oui, les chasseurs exactement. De fantômes. Puis ça aussi, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Peut-être que je ferai le tour de cette question-là avec justement les lecteurs d'électromagnétisme, les sons à basse fréquence, puis tout ça. Ça, c'est vraiment intéressant aussi. une autre de mes petites passions. D'écouter les sons à basse fréquence? Chasseur de fantômes, ça aussi. Écoute, quand j'étais plus petite, je courais les maisons vides pour essayer de trouver des fantômes. Quand il y avait Ghostbusters en 84, qui n'a pas rêvé de devenir un Ghostbusters? Bon, écoute, c'est moi le premier, alors. Non. Puis, c'est la même chose avec la parapsychologie. C'est-à-dire que si ça l'a paru dans une revue scientifique, c'est que la personne dit que c'est vrai. Bon. Est-ce que c'est vrai parce que c'est statistiquement possible ou est-ce que c'est parce qu'il y a un psy? Ou si c'est parce que le chercheur est tellement sûr qu'il fraude aussi. Mm. Les fraudes ne sont pas juste au niveau des personnes, des sujets, mais aussi au niveau des chercheurs. Ou est-ce que tu découvres que finalement, il a peut-être falsifié un petit peu ses résultats pour prouver son point? Ou encore, puis c'est ce que je disais tantôt comme point, c'est que au moment où l'enquête est faite, il y a des moyens physiques, il y a des phénomènes physiques ou chimiques qui ne sont pas connus au niveau de la société, qu'à un moment donné, tu apprends à connaître, tu dis, ça explique pourquoi ça s'est arrivé. Et donc, puis c'est pour ça que je dis, moi, officiellement, tu sais, tu t'en vas sur Internet, tu t'en vas n'importe où, tu dis. Ils vont dire, oui, il y a ça, comme, tu sais, Amityville. Mm-hmm. Amityville, je pense qu'il est un bel exemple de maison hantée, supposément, et tout ça. Mais aujourd'hui, tu parles d'Amityville, puis non, parce qu'il y a des explications maintenant qui disent que non, Amityville n'était finalement pas si possédé que ça. Mais donc, il n'y a pas, moi, en tout cas, à ma connaissance, j'ai jamais vu quelqu'un dire, OK, ça, officiellement, à 100%, c'est une maison hantée, ou cette personne-là, à 100%, est télépathe. Parce que sinon, si ça existait, à chaque fois qu'un enfant disparaît, on le retrouverait tout le temps. Ben oui. Ah non, c'est clair. Puis, un des problèmes de la parapsychologie, justement, c'est que c'est pas reproductible. Parce que ça a fonctionné à tel endroit, avec tels éléments, pour telle raison. Puis, tu retrouveras jamais exactement. C'est pas quelque chose qui peut... Ben oui, c'est quelque chose qui peut être fait sous cellule, pas cellule, mais... Mais dans un environnement contrôlé. C'est là. Ça. Mais il y a toujours quelque chose qui va faire. Soit c'est pas... C'est pas la même personne. La personne était fatiguée. Il peut y avoir 52 000 raisons que la personne va donner pour expliquer que c'est vrai ou que c'est pas vrai. Et je crois sans difficulté à un homme ou à une femme qui a des pouvoirs de télépathie parce qu'il y a tellement de pourcentages dans le cerveau qu'on ne connaît pas. Tellement. Que oui, ça j'ai pas de misère à y croire. Donc, le fait qu'elle peut savoir où est un enfant, c'est parce qu'à un moment donné, pour une raison quelconque, elle a communiqué avec cette portion-là de son cerveau qui lui permet d'avoir cette espèce de... J'appellerais pas ça de la clairvoyance, mais ce système de télépathie qui lui permet justement de voir un peu des choses que normalement une personne normale ne verrait mais pas. Mais c'est qu'il y a eu tellement de fraudes, il y a tellement de monde. Écoute, les illusionnistes, à un moment donné, il y a un chercheur qui a engagé un illusionniste pour reproduire certaines choses qui avaient été faites, puis il a été capable de reproduire quasiment 100%. Puis lui a été capable d'identifier diverses recherches où est-ce que c'est clairement un illusionniste qui a réussi à créer quelque chose. C'est que tous ces éléments-là font que le doute est tellement fort que tu peux pas arriver à une conclusion sûre à 100%. Exact. Parce que ils ont essayé de prouver l'existence du psy, entre autres, en mettant une espèce de casque qui regarde le cerveau, quelle partie de ton cerveau que tu utilises, puis tout ça. Puis, ils ont pas vu aucune différence entre quelqu'un qui dit qu'il a des pouvoirs psy puis quelqu'un qui en a pas. Et pourtant, il y avait un résultat au bout. Donc, est-ce que c'est parce que c'est utilisé d'une autre façon que ça peut pas le déceler? Ce qui se peut aussi. Écoute, le cerveau est tellement une bibitte complexe. Tu sais, sincèrement, on comprend combien de pourcentage du cerveau? Oh mon Dieu, si on comprend 30%, on est chanceux. C'est ça, c'est pas élevé. Puis, c'est parce qu'ils disent qu'on utilise de 10 à 20 ou peut-être 30 maximum pour certaines personnes du cerveau. Là. Donc, il y a quelque chose qui se passe dans le cerveau qu'on ne sait pas. Puis peut-être qu'il y a des parties qu'on utilise, mais que ça ne sera pas de la même façon que le reste, puis que les électromagnétismes et tout ça ne peuvent pas déceler. C'est ça, la problématique. Pas avec la technologie qu'on a aujourd'hui. C'est tout ça. À fait. Puis, bon, les scientifiques, en plus, ils disent, bon, mais il y a un problème, là. Vous étudiez ça, vous vous proclamez scientifique, mais vous n'avez pas de théorie. Il n'y a pas de théorie officielle qui s'applique à ce que vous cherchez. Vous avez une hypothèse, vous arrivez à un résultat, mais vous n'êtes pas capable de tirer une théorie. Puis ça, au niveau de la recherche scientifique, c'est un gros, gros, gros bémol, ce qui fait que beaucoup de scientifiques qui disent que c'est pas scientifique à cause de ça. Je parlais de l'activité cérébrale. Et la parapsychologie, aussi a eu une mauvaise presse. Parce qu'à un moment donné, les gens ont tout mis dans ça. Tout ce qui est bizarre ou étrange rentre dans la parapsychologie. Ils ont dit les ovnis, l'astrologie, la cryptozoologie, le paganisme, les vampires, l'alchimie. Puis là, go! Ils ont tout mis ça dans ça. Alors que c'est pas ça du tout la parapsychologie en vrai. C'est vraiment juste l'étude du psy, qui est le cerveau. Là, je m'excuse, là, mais les vampires puis les perceptions extrasensorielles, c'est pas tout à fait la même affaire. Chose, ouais. Donc, ce qui fait eux autres, ils l'ont probablement mis là-dedans en se disant c'est parce que le vampire a un pouvoir d'hypnotisme. Ben oui, tout à fait. Et donc, à ce moment-là, ils rentrent ça là-dedans, mais c'est complètement ridicule. Non, même les magiciens m'en étaient rendus dans ça. Ouais. Parce que les illusionnistes sont capables. Puis, ben faire de la télépathie, c'est de la magie. J'ai un petit On sait tous que les magiciens ont leur petit truc pour dire « ça, c'est la carte que vous avez vue. Hein? » Tout à fait. Mais je vous ferai remarquer que la personne qui présente la carte en avant, c'est un adjoint ou une adjointe du magicien en question. Mais oui, il y a d'ailleurs, toujours des... On les a toutes vues, ces trucs-là. Ils disent des mots-clés qui permettent à l'autre de savoir de quoi qu'il parle. Tout à fait. Et c'est pour ça que les illusionnistes ont été mis beaucoup... ils ont été approchés finalement lors des recherches de parapsychologie à cause de ça, pour essayer de déceler le moment où est-ce que c'était pas réel. Sauf que Moses, ça se peut pas que les 75-80% du cerveau qu'on n'utilise pas ne puisse pas être développé, puis ça peut pas arriver. On parlait dans le domaine des personnes disparues. Il y a quand même des enfants qui ont été retrouvés grâce à ça. Est-ce que je dis, c'est comme si la personne elle a une intuition plus forte ou est capable de voir des liens que les enquêteurs ne voient pas? J'ai un doute. Mais ça se pourrait. Puis mais ça peut être un ensemble. Ça peut être aussi simple que la personne va... Parce qu'il y a des cas où est-ce qu'ils ne montent rien du dossier à la personne. Ils vont apporter des choses comme ça. À un moment donné, ils amènent un foulard, quelque chose des genre. Éléments que l'enfant disparu ou la personne disparue a pu toucher, par exemple. Puis à un moment donné, pouf, il le trouve. Mais il ne faut pas oublier que la personne qui vient là, elle a probablement dû aussi entendre parler de cet enlèvement-là. Ah, c'est sûr. Si elle n'a pas entendu parler, ben là, à ce moment-là, il faudra voir jusqu'où ce pourcentage-là de découverte est si élevé. Mais moi, je pense que c'est une agglomération de choses. Oui. Mais je n'enlève point la possibilité d'avoir une personne qui, dans un certain... Je dirais, à un moment donné, c'est comme... Parce que ça, je donne un exemple. Mettons, moi, je suis un insomniaque. Mm-hmm. Mais il y a des moments où je vais... comme semi-m'endormir à certaines heures de la matinée, parce que justement, quand je me rendors, il est genre 4-5 heures du matin, où est-ce que là, à un moment donné, je viens à faire des rêves, plus souvent. Puis des fois, des rêves prémonitoires, on a tous fait. Là, ce qu'on appelle le rêve prémonitoire, quand on vous rêve à quelque chose, puis que peut-être 3-4 mois plus tard, vous dites « Hey, j'ai déjà rêvé à ça. » Bon, il y a quelqu'un qui va dire « Ouais, c'est parce que ton œil gauche voit l'information de ton œil gauche passe avant l'information de ton œil droit. Ça donne l'effet que ce que tu as là, ça donne l'effet que tu l'as déjà vu avant. Mais moi, je peux dire que j'ai déjà fait des rêves où est-ce qu'à un moment donné, j'ai vécu puis j'ai arrêté. J'ai dit « Hey, minute, j'ai déjà rêvé à ça. » Tout à fait. Et à un moment donné, tu as une décision à prendre puis tu as beau faire n'importe quoi. Tu vas prendre exactement la même décision que tu as pris dans ton rêve, même si tu es conscient que tu as pris cette décision dans ton rêve-là puis que tu veux la changer, tu vas la prendre pareil. Ah, tout à fait. Je pense que c'est comme si ton cerveau, à un moment donné, rentre dans une certaine ligne d'onde. La vibration, c'est comme quand tu es souvent avec une personne. À un moment donné, automatiquement, vos pensées vont aller vers la même chose. Oui, mais tu apprends à te connaître parce qu'il y a une multitude de facteurs. Mettons un exemple, ça fait 20 ans que j'étais avec mon épouse. À un moment donné, on n'a plus besoin de se parler. Non. On va regarder quelque chose, on va le faire parce qu'on sait que l'autre va penser tout ça. C'est d'habitude. Mais oui, effectivement, il y a quand même un lien qui peut se faire au niveau cérébral parce que ton cerveau, quelque part, il y a tellement de choses qu'il peut faire mais qu'il ne fait pas. Puis c'est juste qu'on ne pratique pas. Parce que je suis certain que si on se mettait à le pratiquer, puis à penser, puis à faire ci, puis à faire ça, qu'à un moment donné, si on savait comment l'activer... C'est clair. Mais c'est comme moi, depuis que je suis toute petite, les fois où est-ce que c'est arrivé que j'ai décroché, que la personne était au bout du fil, je veux dire, elle ne pouvait pas savoir que tu voulais y parler. Tu ne pouvais pas savoir qu'elle allait appeler. Puis c'est arrivé plus qu'une fois. Ouais. Donc, tu dis, Moses, il y a quelque chose qui se passe là, c'est sûr. Puis la CIA, à un moment donné, a tellement cru à ça qu'ils ont même fait un programme qui s'appelait Stargate. S'appelait Stargate, dans l'optique que... il ramassait des gens qui se disaient avec un pouvoir psy dans l'optique de créer vraiment un domaine du renseignement. C'est dans le renseignement, là, je ne l'avais pas dit, là, excusez, c'est dans le domaine du renseignement. Où est-ce que ces gens-là était là pour aller pêcher des renseignements. Puis là, quand tu penses à ça, tu dis des espèces de personnes ensemble qui ont des pouvoirs qui... Là, t'associes ça à plein de choses. Oui. Où se situe Saddam Hussein, exemple, présentement? Ben, il est assis dans sa cuisine à telle place. OK, parfait, on y va. Ouais. Toc, toc, toc, salut Saddam, amène-toi avec nous. Dis bon. Oui. Puis t'es, là, tu réalises que même aujourd'hui, les gens utilisent ça. Bon, Stargate, hein? Qui ne connaît pas la mini-série? Puis aujourd'hui, t'as des mini-séries. Là, ça, c'est à l'extrême. Mais t'as les agents du SHIELD, exemple, ouais. Qui est, OK, là, c'est très poussé, là, je dis pas c'est que c'est mutants. Vrai, là, c'est des mutants, mais c'est encore une partie de la CIA qui crée un groupe spécifique avec des pouvoirs. Puis c'est quelque chose qui a réellement été fait, qui a été mis ça, longtemps secret. Tu vas le voir souvent dans des affaires, dans des films, qu'ils vont aller, le gouvernement américain, les organisations d'espionnage ou choses comme ça vont aller chercher justement des gens qui ont supposément un psy plus élevé, qui sont capables de faire de la télépathie, de la télékinésie. Pensons juste à Firestarter ou Charlie de Stephen King, où la petite est capable avec sa tête de partir le feu. Puis à un moment donné, le gouvernement essaie de prendre possession de cette fille-là pour justement s'en servir en mission. Fury de Brian De Palma, qui est un autre exemple, où est-ce que justement il veut se servir de jeunes, de gens qui ont des pouvoirs télépathiques pour justement se débarrasser d'ennemis. Oui, c'est clair. Puis je dirais même là, dans ce groupe-là, dans la CIA, il y a un monsieur qui s'appelle Joe McMonagall, qui est un nom qu'on a déjà entendu, mais on ne savait pas trop pourquoi. En fait, lui, il a reçu la Croix du Mérite pour son travail de psy. À l'intérieur de ce groupe-là de la CIA, il y avait des résultats hallucinants. Ils ont même demandé à des observateurs, la CIA, ont demandé à deux observateurs de juger les résultats des travaux, voir si c'était vraiment psy ou non. Puis évidemment, deux observateurs, deux conclusions complètement différentes. Il y en a un qui dit oui, vraiment, l'autre dit non, c'est, comme je disais tantôt, il y a peut-être un sens de l'observation plus aiguisé, tout ça. Mais... on n'est pas capable d'avoir de preuves officielles, sauf que selon moi, je suis un peu de ton avis, c'est impossible que ça n'existe pas. Surtout genre la télépathie ou les choses comme ça. La télékinésie, c'est un petit peu plus dur à croire. Parce que d'avoir un pouvoir sur la matière sans y toucher, mais en même temps, pourquoi pas rendu là, là? Peut-être qu'il y en a qui sont capables de créer de la chaleur assez... Écoute, il y a 52 000... Encore là, ça revient avec ce que je disais tantôt. Ouais. Si ton cerveau, tu as 70 % qui n'est pas utilisé, peut-être qu'il y a une branche là-dedans qui te permet de bouger les objets à distance. Ouais. Je peux y croire. Mais j'ai plus de difficultés avec ça, mais la télépathie, je trouve Mais sais-tu c'est quoi qui me dérange dans tout ça, sincère? C'est qu'avec toute la technologie qu'on a aujourd'hui, avec tous les produits qu'on a pour filmer les choses... que sur Internet, on ne voit pas vraiment quelqu'un qui est capable de le faire. Ah, ben il y en a plein qui ont essayé, qui essaient, mais que c'est des canulars. Oui. Il y a trop de canulars. Mais le problème est là. C'est ça. S'il y avait moins de canulars, on pourrait y croire. Mm. Mais là, à cette heure, on le sait, on connaît les trucs, on sait comment ils font. Puis c'est, mais il y a quand même, malgré tout ça, des instituts officiels de recherche, autant aux États-Unis qu'en Europe, qui sont spécifiquement pour cette recherche-là. Et malgré ça, ils sont pas capables de le prouver, mais ils sont pas capables de le réfuter à 100 % non plus. Enfin, il est là le problème. Personne ne peut dire non, personne ne peut dire oui. On est dans un flou vraiment, vraiment spécial. Et malgré tous les éléments de mesure qu'on a aujourd'hui, on peut pas dire oui ou non. Ouais, ben non. Des fois, on peut dire non, mais on peut pas dire non 100 % à tout parce que des fois, tu comprends pas qu'est-ce qui se passe. Tu peux pas dire oui ou non à quelque chose que tu comprends pas. C'est ça, tout à fait. Et là-dessus, je dirais, Peter Venkman avait probablement la meilleure technologie. C'est-à-dire, Moses, que la blonde était cute, puis elle va le passer le test, puis le gars, non, toi, t'es ma victime, puis finalement, le gars réussit à le faire, puis... Ouais. Voyons. Andréane, y avait-tu autre chose à rajouter sur la parapsychologie? Ben, pas en introduction, pas en introduction. Alors, écoute, on va continuer à enquêter là-dessus, et puis, à un moment donné, on découvre de quoi, ou est-ce qu'on voit quelque chose qui... On reviendra sur le sujet, c'est sûr. On en reparlera à ce moment-là, c'est certain. Merci, Andréane. Parfait. Bye. C'est déjà tout pour cette émission abrégée de Fantastica. Si vous désirez nous suivre, vous pouvez écouter notre programme de 3 heures qui est diffusé une fois ou deux semaines et ce, en vous inscrivant gratuitement à notre page Facebook de Fantastica Radio Web afin de connaître les dates de diffusion des nouvelles émissions. De plus, il vous est possible de vous rendre sur notre site web au www.fantasticaradioweb.com, Fantastica avec un K, afin d'obtenir plus d'informations sur cette émission, mais également sur mon podcast Programme Double, dans lequel je vous parle de la création de divers films qui ont marqué l'histoire du cinéma. Je vous remercie de votre écoute et je vous invite à nous rejoindre de nouveau ici même afin d'écouter notre prochaine édition abrégée de Fantastica. Thank you.